sort du quartier, très affamé. Préviens le monde, j'suis venu le croquer. Prédestiné à rien exaucer. Aujourd'hui regarde-moi vivre de mes souhaits. Tout le mal-être de ma jeunesse, je l'ai chanté avec mes complexes. Fils d'immigré, j'ai dû faire la guerre pour que la rue de la paix devienne mon adresse. J'ai chanté ma mélancolie dans les quatre coins du monde sans jamais lâcher. Des mélodies qui t'ont fait danser sur des messages de paix. J'ai vu des stades entiers en feu sur mes refrains. Rien n'a changé, j'ai toujours le même rêve de gamin. Cantare, cantare. Chanter, je ne sais faire que ça. Chanter nos peines et nos joies. Cantare, cantare. Chanter, chanter sans arrêt. Au nom de nos favelas. Quoi qu'il m'arrive, je t'aurais donné le sourire. Tu sais, des fois ça va pas. Toi tu m'écoutes mais tu ne vois pas. Y'a que dans les bras de maman que je guéris sans plus mal. Ouais, je ferai pas semblant. Je braquerai mes rêves, je le ferai sans gants. Papa n'aie pas peur. Ton petit soldat est devenu grand. Je kick, kick et boxe avec mes mains. Y'a avec la misère, le ciel et moi. M'en sort au bon endroit, au bon moment. Un million d'euros ou d'euros, c'est le minimum. Au nom de nos favelas.